Brigitte Armaz de Camille Collet. 38e épisode. Esprit colo. Ce que j'aime le plus dans les vacances ensemble, c'est le côté grande colo. On partage tout, les repas, les balades, les activités. C'est un moment où on oublie l'individualisme pour penser collectif. Véro, vu le temps pourri, ça te dirait de sortir piscine? Oui, pourquoi pas? Mais c'est pas moi qui gère Louis aujourd'hui, faut voir avec Jean directement. Pardon? Bah oui, tu sais, avec la garde alternée. La garde alternée? Bah oui, avec le divorce, on fait un jour sur deux pendant les vacances. Et là, tu vois, c'est le tour de Jean. Donc c'est pas que ça me concerne pas. Mais je suis off, enfin, sur le plan maternel, quoi. Off sur le plan maternel. Ah oui, bien sûr. Hein. Jean? Jean? Ah, t'es là. On pensait aller à la piscine. Oh, écoute, top. Non, Louis va être ravi. Parce que je savais pas trop comment l'occuper, là, tu me soulages. Non, mais tu sais, c'est pas si facile, hein, de se retrouver seul avec son fils. Il va être hyper content. Louis? Il y a Brigitte et Paul qui t'invitent à la piscine. Non, mais, avec... Alors, dans la famille, je refourgue mon gosse aux autres. Véro et Jean sont assez balèzes. Benoît et Marie-Lorraine, c'est une autre manière d'appréhender le collectif. Emmener comme à la piscine? Je sais pas. Paul encadre aussi? Oui, enfin, il encadre. On emmène juste les gosses 2 heures à la piscine. Hein. Ils savent nager, à part Léonard, et on est là quand même. Hein. Non, mais c'est pas que je te fais pas confiance, Brigitte. Mais bon, la piscine, le taux d'accident est très élevé. Mais je serai là tout le temps. Dans le bassin? Mais oui, dans le bassin. Tu le laisses pas courir sur le carrelage, hein? Non, non, bien sûr. Non, non, mais parce qu'ils ont vite fait de se fracasser le crâne. Hein. Et surtout, surtout, aucun plongeon dans le petit bassin. Évidemment. Tiens, d'ailleurs, le mieux, c'est qu'ils plongent pas du tout. Eh ben, ok, c'est aussi simple. S'il peut éviter de mettre la tête sous l'eau, parce que c'est un coup à attraper une otite. Bien, autre chose? Oui, tu lui demandes de bien se laver et de bien se sécher après. Parce que merci les mycoses. Ok, c'est tout? Tu me trouves hyper stressée. Non, mais avec autant d'enfants, des fois, tu sais, la surveillance surlâche. Non, mais Marie-Lorraine, j'ai quand même 4 enfants, et jusqu'à présent, ils ont tous survécu. Oui, donc, oui, oui. Fais-moi confiance, mais quoi. Oui, bien sûr, mais moi, c'est pas pareil, j'en ai que 2. Alors, j'y suis très attachée. Enfin, tu vois. Bah oui, je vois bien. Forcément, avec mon troupeau, je dois moins regarder aux détails, c'est implacable comme logique. Enfin, cela dit, la piscine avec 6 gosses, c'est pas vraiment une sinécure. Brigitte, c'était saoulant, pas moyen de faire une longueur. Ah, ça c'est sûr que si tu comptes à nager peinard. Bah écoute, moi le collectif, je préfère quand c'est chacun qui gère ses gosses. Hein. Bon allez, Clémentine, Léonard, Anatole, oui, enfin tout le monde, allez, vous pouvez monter en voiture. On a pas comme. Oui, bah c'est pas grave, on verra ça après. Allez hop, sinon on est encore là demain. Pour vous habiller, vous prenez déjà 3 plombes, alors c'est quand même pas compliqué de mettre des chaussures. Fais attention à tes jambes. Léonard, arrête de remuer sur ton siège, ça suffit. On a pas comme. Quoi, comment ça, on a pas comme? Bah, tu lui as dit de rester sur le banc et d'attendre. Alors il doit attendre. Paul, on n'a pas comme. Ah merde, mais il est où? Si on en a pas. Va voir au vestiaire. Ça craint ou bien un enfant? Oui, bon, Clémentine, ça va. Tu l'avais oublié pour de vrai? Mais non, Octave, enfin, tu nous vois avec papa oublier un enfant. Écoutez-moi, on n'a pas oublié comme, d'accord? Franchement, vous connaissez tonton Benoît? Ah, ça, c'est sûr que tonton Benoît, il va être en colère. Et bah, justement, on va rien lui dire, ok? Ah ouais? Qu'est-ce que tu nous files si on lui dit pas? Des bonbons! Mais rien du tout, mais vous rigolez ou quoi? Je veux pas négocier avec vous non plus, on est une famille, on est solidaires, c'est tout. Et en plus, on n'allait pas oublier Com, je me rappelais très bien qu'il était sur le banc, alors ça suffit. C'est juste que Com, il est un peu tête en l'air aussi, hein. Ah bah tiens, le voilà. Il était pas loin, il arrive avec papa. Allez, grimpe. Attention tes jambes. Et bah alors, Com, mais où t'étais? Sur le banc. Ah bah bravo, bah heureusement qu'on a fait attention avec tonton Paul, hein. Ouais, hein, ah tiens, on a voulu voir si tu suivais, bah on n'a pas été déçus, hein. Je vous ai pas vu partir. Mais tu sais que quand on est aussi nombreux, on peut pas être dans la lune comme ça. Bah ouais, hein. Regarde combien on est là à t'attendre. Ça contente ton père d'apprendre que tu n'écoutes pas les consignes? Il n'allait pas lui dire. Non, non, t'as de la chance, on va rien lui dire, mais parce qu'on est vraiment sympa, hein. Merci tata Gigi et tonton Paul. Mais de rien, mon grand. Là, quand même, c'est vraiment abusé. Clémentine, c'est bon. Et vos ceintures? Faut dire que c'est speed autant de moments. Heureusement, les gosses ont été super. Personne n'a rien lâché, ni à Benoît, ni à Marie-Lorraine. Parce que là, oh là là, bonjour l'embrouille. Mais c'est ça aussi, le collectif. Ça sert à rien de tout mettre sur la table. On n'est pas obligé de tout partager non plus. Paul. On est en train de préparer les bourritos. Oui, je sais, mais c'est mieux si tu viens. Hein, faut qu'on parle. On se fait pour les gars. Mais pas là, voilà. Paul. Oui, je reviens. Non mais tu vas où? C'est quoi, t'as un truc à m'annoncer? Tu divorces? Ah, super drôle. Bon, écoute, je suis pas sûre, mais je crois... Attends, si tu parles tout bas, là, j'entends rien du tout. Alors, oui, je vais pas avertir la terre entière non plus. Je crois qu'Octave, il a des poux. Octave quoi? Mais fais un effort, je te dis qu'Octave a des poux. Oh putain, non, c'est pas vrai, des poux. Mais chut, tu le fais exprès quoi? Tu veux un haut-parleur aussi? Non bah quand même, si on le dit pas, tout le monde va en choper. Oui, mais enfin, c'est la honte si on dit... Alors, on va traiter tous les gosses des stratos, on va pas mettre ça sur Facebook. Bah, c'est pas très collectif tout ça, hein. Non, mais arrête avec ton collectif. Excusez-nous. S'il vous plaît. Tout le monde, est-ce que ça vous dit si avec Paul, ce soir, on se charge de la douche de tous les gamins? Comme ça, vous prenez l'apéro tranquille pendant qu'on les shampouine. Carrément, je suis sûre. Non, t'inquiète, ça nous fait plaisir, franchement. Profitez, ce soir, on se dévoue pour la collectivité. Allez. Merci, hein. C'était La vie trépidante de Brigitte Dornade, de Camille Coller, avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Delphine Léonard, Vincent Berger, Sidonie Laurence, Samuel et Anna Kajman, Ernest Coller, Bruitage, Sophie Bissantz, conseillère littéraire, Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette, assistante à la réalisation, Alice Cachaner, réalisation, Cédric Ossier.